Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Eh oui, on va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. À ma droite, on ne peut connaître que son âge que grâce au carbone 14. Oui. Il faut couper le tronc pour voir les ronds. Ah non, ça c'est GG plutôt. Ah pardon. C'est Bob du club. Ah. Salut les filles. Alors on rassure nos auditeurs, ils sont quand même les bienvenus, même si Bob dit systématiquement « Salut les filles oui. », tu n'exclus pas les auditeurs masculins. Bien sûr que non, mais je préfère les filles. D'accord, c'est noté. À ses côtés, donc nous, on l'avait présenté comme l'intello de service, oui, c'est vrai, mais oui. On a compris que c'était en fait le vice-président du fan club de Maurice, c'est Julien. Ah oui. Bonsoir. Il pourrait être son petit-fils. Je suis pas fauché avec ça. Hein. Et quel membre ? Et quel membre ? Alors, ça commence parce que j'ai dit de Julien à propos de Maurice, il pourrait être son petit-fils. Et l'invité qui est à côté de moi que je vous présentais tout à l'heure, je présenterai tout à l'heure, dit non, il pourrait pas. Et voilà. C'est pas possible. Alors oui, vous l'avez compris, il est là ce soir. Vous lui avez envoyé de nombreuses blagues dans sa boîte e-mail qu'il a retenu. Oui, à par cœur, bien sûr. C'est Maurice. Bravo. Bonjour à tous. Bonsoir Maurice. Alors, face à eux, qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il a fait sa petite grimace de quand il est content. Ah ben oui, mais il n'y a pas la télé. Mais non, mais ça me fait rire quand même. Donc face à eux, vous avez entendu sa voix douce, mélodieuse. C'est Frédéric Coster. Ah, excellent, excellent. Alors, il faut le ménager, il est malade, hein, petit bonhomme. Ah, Non, c'était la semaine dernière que j'étais malade. Qu'est-ce que t'as ? Pas une gastro ? Non. Deux gastro, il a. Ah, c'est pour ça la ligne jaune ? Oh ! J'avais une petite trachéite la semaine dernière. Tu n'es donc pas allé manger cette semaine au restaurant gastronomique ? Eh non, bah non. Alors, l'émission sera réalisée par Davy, comme chaque semaine. Oui. Bravo. Bravo, Davy. Qui, lui, a le droit de manger des chips parce que son micro n'est pas ouvert. Cher Frédéric, comme chaque semaine, des invités. Oui. Alors, il y en a un que l'on connaît, qui est déjà venu faire On va se marrer il y a quelques mois. Oh, années maintenant. Dirons-nous pudiquement. Oui. Récidive, donc. Voilà. Et c'est David Sauvage qui est là. Bravo. Et qui est venu avec Hugo Le Guen. Salut Hugo. Quand je vous disais que j'étais fatigué. Alors, et donc, ils viennent nous présenter trois spectacles. Dry. Voilà, Dry, je cherchais. Dry spectacle. Oui, n'est-ce pas. Alors, qui se joue au Canada, d'ailleurs. Canada Dry, très bon. Voilà. Très bon. N'applaudissez pas parce que ça l'encourage. Oui. Alors David, je te laisse déjà présenter les deux pièces, et puis Hugo nous parlera de son spectacle tout à l'heure, les deux pièces pour lesquelles tu es venu. Alors donc, une pièce qui se joue actuellement, donc qui s'intitule « Requiem pour une garce », que je joue actuellement en compagnie de Guillaume Clément et de Julie Baroni à la Petite Loge pour le moment, et qui va sans doute se délocaliser à partir de janvier-février. Bravo. On ne sait pas encore l'endroit, mais bon, ça, on se tiendra informé par les relais habituels, hein, les sites, bien etc. Sûr. On annoncera tout ça sur la page Facebook de l'émission. Et la deuxième, donc, Yakoma X, qui commencera, elle, en février à la Petite Loge, en compagnie d'Hugo Le Guen. Alors, donc, on commence par la première, donc Requiem par une garce, pour une garce. Donc, ça parle de quoi ? Alors, je vais résumer très rapidement, ça va être très simple, vous allez voir. Il se trouve que Jean-Charles est Jessica. Bon. Jessica était Jean-Charles. Ah, d'accord. Jean-Louis s'est fait passer pour Jessica devant le psy. Pierre, qui est le père de Jean-Charles, croit que Jean-Louis est son fils. Qu'il pense que Pierre est son père, tandis que Jessica, elle, sait pertinemment qu'il est le père de Jean-Charles. Ça va ? Vous êtes compris ? Vous suivez, monsieur Vente de Pute ? Bah, c'est pourtant clair. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, parce que le psy non plus. Ah, oui. Donc, le principal, c'est de venir le voir sur scène en février. Donc, c'est une comédie. C'est une comédie. Comédie où on rigole. De genre et de transgenre. Voilà. Je voudrais juste intervenir deux secondes. C'était Requiem pour une garce dont on parlait. Oui. Non, on a dit Yakoma X, non ? Ah non, alors ça, c'était Yakoma X, d'accord. Voilà. Ça, c'est Yakoma X. D'accord. Non, Requiem pour une garce, c'est une comédie. Merci, à l'anglaise. Voilà, pardon. Heureusement qu'Hugo surveille. C'est une comédie à l'anglaise, donc dans un esprit arsenic et vieille dentelle, tueur de dames que doit connaître Frédéric. Hein, c'est son univers, hein, la corde, etc. Donc, dans lequel je fais un VRP. Bah, la corde, j'y pense chaque fois que je sors de cette émission. Nous, on ne fera aucun commentaire. Non. Dans laquelle je joue un VRP qui vient frapper à la porte d'un mari qui doit célébrer son anniversaire de mariage avec sa femme qui est en train de s'envoyer en l'air avec son amant. Ah. Ah. Son amant à lui ou à elle ? Son amant à elle. Ah, d'accord. Voilà. Mmh. Et il se trouve que le VRP est un petit peu emprunté et donc le mari va trouver une bonne occasion de passer son temps libre à essayer de le ridiculiser. Mais il se trouve que ce VRP va lui proposer des choses qui vont finalement l'intéresser et qui vont lui permettre de solutionner ses problèmes de couple. Voilà. Bien. Donc tous les bruitages que vous entendez, bien entendu, sont réalisés en direct par Bob du club. Qui a commencé par ouvrir son sac de pop-corn, je ne sais quoi. De cacahuètes, voilà. Soufflées. Voilà, pendant qu'on était en train de parler. Ensuite, a versé dans une gamelle comme des croquettes pour chat. Et maintenant, tu pourrais peut-être en manger un, Bob, quand même. Oui, merci. Et si vous entendez gratter, c'est la caisse pour les besoins. Bon, alors là, on a fait le point donc de ces deux pièces. Absolument. Et donc, on a compris qu'il y avait un spectacle aussi d'Hugo. Exact. Absolument. Un spectacle donc qui s'intitule. Le titre en entier, c'est Mort de rire et fier de l'être, mais on peut abréger en MDR et fier de l'être. Ah, bah oui, ouais. Parlons Jones. Exactement, je vise tous les publics. Oui, là, il faut, parce que. Enfin, moi, je ne ferai également aucun commentaire sur l'âge des animateurs de l'émission. Exactement, il n'y en a pas à faire. Nous sommes écoutés dans des maisons de retraite aussi, Bob. Oui, ça leur fait plaisir. Voilà. Bah oui. Beaucoup de copains là-bas. Le problème, c'est qu'ils sont tous plus jeunes que Bob. C'est ça, tu vois. Bah, c'est eux qui me payent pour venir. Hein. Oui. Bah, non, mais avec Bob, c'est bien, parce qu'une fois qu'il sort de là, il ne se rappelle plus qu'il a fait l'émission. Mais c'est ça, c'est l'avantage. Comment? Alors Hugo, on est en train de parler du spectacle d'Hugo, donc, tu nous perturbes. Donc c'est un one man. Ouais. Absolument. Voilà, mais te laisse pas faire. Et alors est-ce qu'il y a un fil conducteur? Qu'est-ce que c'est du stand-up? Alors, en fait, c'est l'histoire d'un, c'est très gay, hein, ça commence très vite. Là aussi. C'est Ah vous aussi. C'est très joyeux. Ça commence très vite. C'est un jeune homme qui vient de mourir dans un accident de la route et qui se retrouve confronté au passeur d'âme. Et en fait, c'est c'est le dialogue entre les deux personnages. Il y a un téléphone qui sonne. Oui. C'est le dialogue entre ces deux personnages-là qui parlent de la guerre, de l'amour, de plein de choses, de l'opéra même. Et voilà. C'est un spectacle que tu as écrit ? Absolument, oui. D'accord. Bon, donc tout ça à La Petite Loge. Ouais. Une seule adresse. La Petite Loge se trouve 2 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris. Bravo. Et c'est métro Pigalle ou Saint-Georges ou Trinité. Oh. Voilà, pas mal. Ouais. Et le spectacle de Hugo, c'est tous les lundis à 21h30. Et pour les dates, vous allez sur le site de La Petite Loge et vous avez toutes les indications. Bien, bravo. Merci. Alors bravo, oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'en début d'émission, la promo se fait bien. C'est au fur et à mesure que l'émission se déroule que la promo se fait de moins en moins bien. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une tradition de Maurice. Il est encore alerte. Voilà. Plus l'émission se déroule et plus Maurice s'enroule. Autour de sa corde à nœuds. Donc vous allez voir que dans l'émission, ça n'a pas changé, hein, puisque David a déjà assisté à cette émission. Donc il y a comme avant, il y a des jeux, il y a des tournées de blagues, il y a des petites nouveautés que tu ne connaissais pas, que tu vas voir, notamment des blagues de Maurice... c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Ah si, parce que maintenant Maurice les interprète en duo. Ah oui, parce que là vous allez devoir interpréter une des blagues de Maurice avec Maurice. En duo avec Maurice, hein, parce que ça on a remarqué que ça marchait très fort. Ça a très bien marché l'autre fois. Et on a des épreuves. Ah oui, mais cette émission est toujours une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Ah. Car oui, chers amis, vous formez 2 équipes. Et pour que nos auditeurs puissent suivre ce qui se passe au fur et à mesure de la soirée, eh bien, il faut baptiser les équipes. Et j'invite déjà Bob, peut-être, qui a toujours de bonnes idées pour les noms d'équipes, à nous donner... Je le vois venir choix. Gros comme une maison. Oui. J'ai 2 choix. Les garces. Voilà. Marcher aux putes. Oui, aux putes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous préférez, Maurice? Aux putes. Marcher aux putes. Voilà, c'est... Ben, voilà. Et pourquoi ce nom, Bob? Parce que c'est un jeu de mots avec le sous-titre de la pièce. Récuyenne pour une garce, marché de dupes. Ah. Voilà. On peut les appeler les garces, du coup. Hein? Oh, les vieilles garces. Le gang du Viagra. Ah oui. Mais c'est l'invité qui choisit. En plus, il y a la pilule bleue au milieu. Donc ça voilà. Alors, le rire satanique que vous entendez, c'est celui de Maurice, hein, je précise pour les éditeurs. Maurice satanique pue. Hein. Voici la première question pour le premier point. cas de particulier. Alors, c'est le premier qui a la réponse qui. Ah oui, alors là, cas de particulier, le roman intitulé Complainte sicilienne. Oui, il n'y a que des voyelles. Ah oui, parce que le C, c'est une voyelle. Tu connais un roman où il n'y a que des voyelles, toi? Oui, il y en a un qui a fait un trou, il n'y a des voyelles. Non. C'est un roman où il n'y a pas de. La disparition, y a pas de c'est un roman où il n'y a pas de. De Pérec, si c'est je ça, Pérec. Il n'y a que des E dans le monde de l'auteur. Marie-Jo. C'est le premier roman de quelque chose. Ah. Alors, c'est une collection que vous connaissez. Arlequin. Le premier livre de la collection Arlequin. Et le point est pour l'équipe du marché aux putes. Allez, on revient juste après la pause avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Retour, on va se marrer avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Qui viennent nous voir à quelle occasion, Maurice? Alors, c'est pour une pièce, pour trois pièces. La première, c'est Réguillem pour une garce qui se joue à la Petite Loge, 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement. Et il y a une deuxième pièce qui est jouée par Hugo Le Guen. Il y a comme un X. C'est ça. Ça, c'est une pièce qu'on a. C'est une pièce qu'on a en commun avec. En commun avec David. Ça se joue aussi à la Petite Loge, début février 2012. Et Hugo a une petite pièce lui aussi. C'est MDR et Fier de l'être. C'est tous les lundis à 21h30, aussi à la Petite Loge. Tout est correct là. Il a bien dit. Il n'y a pas de réclamation là. Hein. Voilà. Aucune réclamation. Et je vais revenir avec ma petite blague tout à l'heure. Oui, et bah tu reviens avec ta petite blague tout de suite car on envoie la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on commence bien sûr par la blague de Maurice. Pour les chiens. Un gosse qui voit dans la rue un chien en train de saisir. De saillir une chienne. De quoi? De salir une chienne? De saillir. Ah, de saillir. C'est-à-dire. Non, mais il l'a bien dit. C'est-à-dire d'abord de saisir, ensuite de saillir et après de salir. Voilà. Un gosse qui voit. Allez, Maurice. Un gosse qui voit dans la rue un chien en train de saisir. Salir. Je pensais pas que ça viendrait là le problème. C'est une catastrophe, mais c'est pas possible. Vas-y. Un gosse qui voit dans la rue un chien qui est en train de... De monter une chienne. De monter une chienne devant son père. Devant son père? Devant son père, ce qu'ils font. Devant le père de la chienne? Non, devant son père, ce qu'ils font. Oui, le gosse demande. Pas devant. Pas devant, demande. Mais oui, t'as dit devant, alors on comprend rien. Parce que devant ce qu'ils font, c'est rien. C'est devant, hein. Un gosse qui voit dans la rue... Un gosse qui voit dans la rue un chien en train de monter une chienne devant son père. Non. Demande à son père. Lis la ponctuation si ça peut t'arranger. Donc, une chienne. Un gosse qui voit dans la rue un chien en train de saillir une chienne demande à son père ce qu'ils font. Le père embarrassé explique que la chienne qui se trouve dessous ne veut pas. Le milieu. Dessous. C'est une chienne indienne. Ne veut pas rentrer à la niche. Et que le chien est en train de la pousser pour la ramener. Ah. Le gosse, très étonné, c'est comme maman hier. Heureusement qu'elle se tenait bien au lavabo. Sans cela, le facteur l'aurait l'emmenait à la poste. Non, elle est bien, elle est bien. Ah, il l'a répété. Attendez, il a quand même eu toute la pause pour la répéter. D'une, oui. Elle est bien parce qu'on la connaissait pas. Deux, elle est très bien racontée. Ah oui. Oui, c'est vrai. Avec le ton. Oui, oui. Enfin non, c'est bon. C'est H-O-L. Quand même. Bon, alors Julien. Ces deux petits garçons qui se rencontrent à la récré. Maurice sort de ce corps. Mais elle est à côté de moi, forcément, ça... Donc deux petits garçons qui se rencontrent à la récré et le premier demande à l'autre « Tu crois qu'il y a du monde, toi, sur la Lune ?» L'autre, il répond « Bah évidemment, c'est toujours allumé. Ah. » Oh. Ah justement, nous avons un flash spécial depuis la RTBF. Bonsoir, ils ont oublié d'éteindre là-haut. Non mais je crois que vous avez les nouvelles de la NASA belge. Ah bah oui. Ah, On a envoyé des astronautes hein, sur le Soleil, nous. Ah bon? Oui. Sur le Soleil? Bah oui. Ah, très bien donc, et ça s'est bien passé? Bah ça se passe très bien, oui, bien sûr. Bah des astronautes sur le Soleil, mais vous avez pas peur qu'ils crament? Ah bah, on n'est pas cons, on les a envoyés de nuit. Toto revient de l'école avec un bulletin. Que des zéros partout. Ah. Alors, son père, « Quelle excuse encore tu vas me donner ?» soupire la mère. Et le père? Oui. Eh bien, j'hésite entre hérédité et environnement familial. Ah, c'est un mec qui rentre chez lui avec une chèvre dans les bras. Oui. Ah, il n'y a pas de mais. Oui, il n'y a pas de mais. Il rentre chez lui et puis il y a sa femme qui est là dans le plumard déjà. Regarde chérie, regarde. C'est la vache avec qui je reste quand tu m'abandonnes. La femme dit, dis donc, si tu étais moins con, tu serais rendu compte que c'est pas une vache que t'as dans les bras, mais une chèvre. Le mec lui dit, bah dis donc, et toi, si tu étais moins conne, t'aurais compris que je parlais à la chèvre. Voilà, moi je vais vous raconter une blague qui n'est pas de moi, que j'ai entendue, et je vous dirai après la source. C'est deux copains qui se rencontrent, et il y en a un qui lui dit, bah tiens, je vais en vacances en Bretagne cette année. Ah, oh, tu vas en vacances en Bretagne, formidable, il faut que tu ailles voir les putes là-bas, parce que les putes bretonnes, elles te font des pipes bretonnes, et c'est extraordinaire. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça, les pipes bretonnes? Il y en a trois. Il y a celle à 100 euros, celle à 250 euros, et celle à 500 euros. Ben, c'est quoi la différence? Alors, celle à 100 euros, elle te fout une crêpe au sucre autour de la bite, et elle te mange la crêpe, et elle te lèche le sucre. Oh, dis donc. Oui. Bon dimanche. Oui, bon dimanche, à la sortie de la messe. C'est quoi la chandeleur? Alors, et la celle à 250 euros? Bah, celle à 250 euros, elle te met une crêpe au Nutella autour de la vie. Pas de marque. Et elle te mange la crêpe, elle te nettoie le casque et tout ça, machin. Et celle à 500 euros? Ah non, celle à 500 euros, j'ai pas fait. Ah non, non, non, quand je l'ai vu arriver avec le Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. Une blague racontée par Jean-Marie Bigard. Ah, t'aurais pu faire la limitation. Alors, c'est la blague de David Sauvé. Deux spermatozoïdes qui discutent. Il y en a un qui commence à se plaindre, qui dit à l'autre, mais quand est-ce qu'on arrive aux ovaires? Et l'autre dit, attends, du calme, on vient de passer les amygdales. Alors, Hugo. Alors, c'est un petit garçon qui rentre de l'école, qui va voir sa mère. Il faut, oui, maman, de qui tient mon intelligence? Et la mère de répondre, bah, pas de moi, parce que moi, je l'ai encore. Alors, dans l'émission, il y a une épreuve qui s'appelle la main passe. C'est comme avant, c'est-à-dire que j'essaie de vous faire trouver quelque chose, et là, en l'occurrence, je vais essayer de vous faire trouver un personnage en vous donnant des informations pendant 10 secondes. 10 secondes pour vous, vous trouvez pas, 10 secondes pour l'équipe adverse, et c'est la première équipe dans ces 10 secondes qui trouve... qui gagne. Maurice, tu es prêt? Parce que là, tu peux trouver. Hein. Alors, c'est parti. 10 secondes pour vous. Je suis un chanteur, compositeur et interprète français, né le 12 mai 1942 à Grenoble. Fils d'un ancien résistant et diable. Gilbert Bécaud? Oui. Né en 42, bien sûr. Mais non, en 42. C'est pas... Il est plus vieux que ça. Lui. Une idée? Sinon, la main passe. Non, la main passe. Alors, la main passe. Top. J'abandonne mes études de médecine et je deviens second assistant du réalisateur Yves Robet. En 1964, suite à une étroite amitié avec Michel Sardou, j'entre aux éditions Barclay. Tu penses à qui, toi, David? Je pense à Nicolas Perraque. Non, pas du tout. Non. Non, Grenoble, non. Ah. Non, c'est Michel Fugain. Et c'est Michel Fugain. Oui. Eh oui, bonne réponse. Alors là, il est extraordinaire, ce Frédéric. Grenoble, fils de médecin, copain avec Sardou, c'est Fugain. C'est marrant d'ailleurs. Fugain très à gauche, copain avec Sardou très à droite. Bah, écoute, la bonne réponse est arrivée de votre côté. Donc le point à nouveau est marqué. Mais effectivement, Bob. Mais effectivement, Nicolas Perraque qui avait commencé les études de médecine. Aussi. Donc dans l'émission maintenant, il y a une petite nouveauté, c'est la roulette russe. Ah. La roulette russe est très simple. Je vous donne des mots qui correspondent à des blagues mémorables de Maurice. Vous dites top quand vous voulez. Ouais, j'ai pu venir. Et automatiquement, Maurice raconte sa blague. C'est des blagues que tu en connais peut-être certaines, hein, parce que c'est des blagues vraiment mémorables. C'est parti, la roulette russe. Skieur juif, Star Wars, sex shop, ostréiculteur, araignée, perchiste, zébu. Ostréiculteur. Top. Ah. Ostréiculteur. Ah. Celle-là, tu la connais. Hein. Là, sans note. Il devrait s'en sortir. Il la connaît, c'est pas dit qu'il la raconte bien. Oui, ça, je la connais. Alors, connais-tu, mon cher David, hein, je vous l'ai. Hein, ah oui, là, c'est bien. Bien, oui. Connais-tu, mon cher David, le numéro... Et Hugo, lui, il n'a pas droit. Ah non, c'est David qui a choisi. Ah ben oui. Chacun son tour. Hein. Il y en aura pour tout le monde. Mon cher David et Hugo, comme ça, Fred va être content. Connais-tu le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ? Parfait. Alors là, tout est passé. Là. Pas du tout. Alors, c'est le 118-218. Oh, il y est arrivé. Non, non, il n'est pas arrivé. Non, non, non. Non, non. Non mais non, il n'est pas arrivé. C'est pas 118-218. Hein. 118-218, c'est un numéro de d'annuaire. Oui, tiens. C'est ça. Non, non, non. Mais c'est encore loin, Arcachon. 118. Je crois qu'il a oublié. Allez, attends, vas-y, allez. Je crois qu'il a oublié le H, mais. Écoutez-le bien. 118-218. Ah non, oui, excellent. 18. Voilà. Allez, vas-y. Allez, recommence. Change de région. Heureusement qu'on a. Où est-ce qu'il y a des huîtres ? Dépêche-toi, on est en train de perdre David. Dépêche-toi. Allez. En Bretagne. Ah ben voilà, Bretagne, change de région. Mon cher David, connais-tu le numéro d'urgence des ostréiculteurs. Des ostréiculteurs de Cancale. Mais pas du tout, Maurice. Cancale. Cancale. Cancale. Ta gueule. Je dis pas ta gueule aux invités, s'il te plaît, non, Maurice. Non, mais c'est à Bob. Ah bon. C'est le 118. Oui. 218. Bravo! Ah, très drôle! C'est ça qui est bien avec les blagues de Maurice, c'est qu'elles sont drôles avant la chute. Mais quand on a la chute, elles sont plus drôles. En fait. Voilà, exactement. Bon, bah, on va voir juste après la pause si vous arrivez à nous faire rire autant que Maurice et on va mettre Hugo à contribution avec un petit extrait du spectacle. C'est possible, Hugo? Tout à fait. Bon, on n'est pas au ni oui ni non là encore. Oui. Ça viendra tout à l'heure. Allez, on revient juste après la pause avec Hugo Le Guen et David Sauvage. Ouais. Retournons à se marrer avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Mais alors, David, donc c'est pas la première fois que tu viens nous voir. Non. Mais t'as pas eu peur la première fois. Non, ça va. Mais il avait pas et puis j'ai eu le temps de faire une psychothérapie entre temps, donc ça. Oui, c'est ça. Il y avait Maurice. J'ai surtout eu peur la deuxième fois. Parce que alors à la petite loge, c'est vrai qu'on en parle régulièrement dans l'émission parce qu'on a eu d'autres invités qui jouent à la petite loge. On a eu reçu Jean-Louis Tilburg, Christelle Meyer, entre autres. Exactement. C'est un théâtre à Paris. C'est vrai. Alors on le dit, on l'avait déjà dit. D'ailleurs, c'est un des plus petits, si ce n'est le plus petit théâtre de Paris. Voilà. Mais c'est le plus petit, mais c'est le plus actif parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent, tellement de comédiens. Il y en a deux qui sont actifs, mais c'est vrai que pour la taille, on se défend bien. Bah ouais, ouais, non mais c'est vrai, il y a plein, vraiment tous les jours des choses. Comme quoi, il y a quoi, deux petite, ou trois spectacles. Ah comment? Il y a deux ou trois spectacles. Non, on en a une douzaine. Ah oui, quand même. Par semaine, ouais. Pas par soir, hein, Philippe. Non mais c'est pas Avignon encore. Hein. Et alors donc en ce moment, donc il y a ces deux spectacles, il y en a d'autres. Il y a des choses à annoncer. Oula, éventuellement. Oui, notamment. Il y a d'autres spectacles bien. Des gens que vous avez déjà reçus, comme Cri avec Critique. Oui. Oui, le nouveau spectacle de Christelle Meyer. Amélie Pedrono qui joue les jeudis et vendredis. On a encore Zou qui joue le vendredi. On a Miss BM qui joue le samedi. Jean-Louis Tilburg qui continue à jouer. Raphaël Beaumont. On a aussi une pièce, Couple ouvert à deux battants. Et puis une version pour un seul comédien de Keane. Donc voilà. Plein de choses. Plein de choses. Et toujours le site internet, Maurice ? Je ne sais pas moi. Comment ça ? www.lapetiteloge.fr voilà. Merci Maurice, parfait. Alors à la petite loge, donc tu l'as dit Maurice, qui se trouve 2 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris, et c'est tous les soirs, et allez sur le site de Billets Réduits et tout ça, voilà. Oui, alors j'allais te dire, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a Hugo Le Guen qui joue à la petite loge. Il joue à la petite loge tous les lundis à 21h30, sa pièce MDR est fier de l'être. Ça veut dire mort de rire et fier de l'être. Ah voilà. Oui, parce que Maurice n'a pas vraiment l'habitude. Mais si, il a MSN, Maurice. Philippe, est-ce que tu peux finir tes phrases, s'il te plaît? Non, dire, il a pas parce que là, t'as dit Maurice n'a pas vraiment l'habitude. L'habitude. Oui, s'il te plaît, finis tes phrases. Mais si, tu as MSN, Maurice. Bien sûr, parce que... Maurice, c'est pas le langage SMS, c'est le langage MST. Mais... Bon, ça, je vais lui foirer sa truc, à celui-là. Oh bah ce sera pas la première. Ah bah oui. Je pense que Hugo pourrait éventuellement nous faire un petit extrait de son spectacle. Exactement, et on l'attend sur la scène de On va se marrer. Bon bah alors Hugo, c'est à toi. Hugo, le voici. Arrêtez. Merci. Alors je disais tout à l'heure qu'en fait dans mon spectacle, on parle de plein de choses, de la guerre, des femmes, de l'amour, de la mort, mais également de l'opéra. Alors, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que l'opéra ? Ne répondez pas, c'est pas interactif. L'opéra est une des formes du théâtre musical occidental, regroupée sous l'appellation d'art lyrique. Alors par extension, on appelle également opéra les lieux où se déroulent de telles manifestations. Hein, il existe à Paris, capitale de la République française, 2 millions d'habitants, 11 millions avec l'aire urbaine, deux opéras, l'opéra Garnier, hein, construit au 19e siècle, 10 siècles des romantiques, par l'architecte Charles Garnier, enfin il n'était pas tout seul non plus, mais et l'opéra Bastille, plus récent, construit par Michel Bastille. Alors, laissons celui-ci de côté et occupons-nous du premier, l'opéra Garnier, donc situé en plein cœur de Paris et desservi par le métropolitain parisien qui fête cette année ses 111 ans, hein, bravo le métropolitain parisien, à la station opéra via les lignes 3, 7 et 8. 8 est un chiffre par bonheur. Merci. 8 est un chiffre par bonheur en Asie. Alors, je ne parlerai pas des nazis ce soir, hein, parce que ce ne serait pas de bon ton. Et oui, il y a du bon ton, bien sûr, comme le thon rouge qui est interdit à la pêche, aux abricots, aux épinards japonais, très certainement. Mais enfin, là, ce n'est pas le problème. Et lorsqu'on se promène dans les couloirs de ce métro, le fameux métro opéra, donc, on est frappé par deux choses, les gens et l'odeur. Alors, les deux sont généralement sans rapport. Hein. Je veux dire que l'odeur ne vient pas des gens et les gens ne viennent pas de l'odeur parce que ça ne veut rien dire du tout. L'odeur vient des égouts de Paris, les fameux égouts de Paris qui sont rentrés dans la légende depuis que Jean Valjean les a empruntés pour fuir la police. Alors, Jean Valjean est un personnage de fiction. Un personnage de fiction inspiré de Jean Gabin qui, lui, est un acteur. Jean Valjean, eh oui, Jean Valjean, comment dire, voleur au grand cœur, a été de ce fait le premier homme à entreprendre d'aller sur la Lune sans toutefois y accéder. Et selon son auteur, William Shakespeare, 1431-1432, grande année pour le Bordeaux, mais pas du tout pour le Saint-Félicien. Il y en a un, c'est un vin, l'autre, c'est un fromage. Pas sûr, alors. Eh bien, selon William Shakespeare, Jean Valjean n'est pas seulement ce bel effet blond à la candeur juvénile qui n'est pas non plus sans rappeler les prés fleuris qui mettent à peindre Raymond Poincaré durant les heures sombres de l'Inquisition. Et vous savez, l'Inquisition, c'est cette période d'allégresse, de joie, d'amour de son prochain qui est aussi la preuve que le nihilisme précantien n'avait ni la force, ni même l'impact d'une Mercedes lâchée à pleine berzingue sur le pilier d'un ponton parisien soir d'été. Ce soir d'été. Oh là là, on en a perdu un. Ce soir d'été, Frédéric, t'en souviens-tu ? Tu m'avais conté fleurette en me parlant des nuits de débauchée de Jeanne d'Arc, de la politique extérieure de feu la Belgique, de la Révolution française, première manifestation bolchevique en Europe occidentale, hein, bien aidée, il est vrai, par la météo, puisque les chutes de neige sont rares mi-juillet. Et tu m'avais également présenté Raymond Poincaré, justement, avec lequel je m'étais lié d'amitié et un peu brouillé pour une histoire de tarte aux pommes un peu trop cuite. Hein. Et Raymond Poincaré, sans rapport avec Fibre Bassier, évidemment, enfin, malgré leur ressemblance, entretenait une liaison platonique avec Jézabel, la grande catin biblique. Le frère de celle-ci, Roberto, était un soir revenu complètement pété comme un coin, en criant comme une girafe. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce scandale? Une liaison platonique sous mon toit, mais c'est un scandale, qu'on l'excise. Alors forcément, Raymond Poincaré est monté sur un tabouret, l'a fait, attends, deux secondes, moi l'excision, je suis con, ça prend beaucoup trop de temps à cicatriser. Il y a eu un débat, oui, ça a été retardé. Là, il y avait la Dream Team à l'époque en jury populaire, hein, DSK, Henri VIII, Ribéry, enfin, la totale. Et donc voilà, donc ça a été de mal en pis, quoi. Et moi, à l'époque, avec mon frère, j'habitais rue du Commerce. On s'est dit, pourquoi pas partir en vacances au Goulag. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est nos pactages et on a pris le métro les nuits direction Opéra. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur l'Opéra. Bravo. Excellent. Ah oui, faut le ramener. Hein. Faut le faire revenir. Déjà, faut le ramener chez lui. Oui. Mais alors, et c'est toi qui écris tous tes textes? Je sais pas comment tu es sur scène devant le, mais il y a une espèce d'air pince sans rire. Oui. Qui est des professeur d'un bus qui raconte son truc. C'est ça, c'est le professeur qui raconte. Oui, c'est... Alors maintenant, le défi, c'est de demander à Maurice de faire la même chose. Alors on donne le texte à Maurice. Jamais. Non. Par contre, ce que Maurice aime bien quand il y a des invités, c'est interpréter avec les invités une de ses blagues fétiches. T'aurais pu interpréter ta blague de la maman araignée. Ce qu'il faudrait, c'est que Maurice interprète la mère, Voilà. Et par exemple, David, tu pourrais faire la fille araignée qui rentre, qui vient donc rendre visite chez sa mère. Ah oui. Le sketch de la fille et la maman araignée. Bonjour, ma chère fille. Bonjour, David. Maman. Tu viens dîner ce soir? Oui, je vais pas. Bah, elle est déjà là. Je suis quand même là pour ça. Tu... Ah, tu t'invites à chaque fois. Hein. Parce que je suis un peu ta fille quand même. Hein. Oh, dis donc, elle a mué la fille. Je travaille mon prochain rôle, c'est pour ça. Je te rappelle que Jessica et Jean-Charles. Hein. Est-ce que mon dîner t'a plu? Ouais, c'était pas terrible, mais bon, j'espère que je vais me rattraper sur le dessert. Ah, qu'est-ce que tu veux comme dessert? Mais non. Oui, non, c'est moi qui dois poser la question. Hein. Ouais. J'ai pas un truc sucré. Qu'est-ce que t'aurais? Ah, et moi, je pourrais te proposer une mouche au chocolat. Et voilà, il l'a foiré. Une mouche au chocolat. Une mouche au chocolat. Alors. Bon alors maman, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Tu viens à chaque fois pour dîner? Bah évidemment, t'es ma mère, je suis ta fille, j'ai 5 ans, faudrait bien que tu me fasses à manger quand même. Ah, t'as pas vieilli quand même. Hein. Toi oui. Est-ce que... Salaud. Est-ce que tu voudrais comme dessert... sucré, salé. David, c'est toi qui dois poser la question. Eh oui. On a le temps. Maintenant qu'on a bien mangé, qu'est-ce que tu as préparé comme dessert? Alors, je t'ai préparé un sacré dessert. C'est une mouche au chocolat. Oh, oh, oh là là. Ah, ah non. Là. Je pense que ça mérite une nomination aux Molières, moi. En même temps, Maurice n'a pas l'habitude de faire l'araignée parce qu'il est tout habitué d'être à quatre pattes que d'en avoir 8. Hein. Donc, dans quelques instants... Mais c'est Radio Langue. Oh, non, c'est pas... Il faudrait qu'il en raconte une à Hugo, maintenant. Ah bah, tout à l'heure. Ah, j'en ai donné ta gueule, Bob, quand même. Il a dit tout à l'heure, chacun son tour. Oui, chacun son tour. Je sens bien qu'Hugo, piaf. Oui, mais j'en ai une pour Hugo aussi. Mais avant ça, on va marquer une courte pause. Oh, s'il te plaît, oui. Car il va falloir tirer, une carte dans le boîtier du Trivial, le fameux boîtier de 1985. Ah. On revient juste après la pause avec David Sauvage et Hugo Le Gouen. Retournons va se marrer avec David Sauvage et Hugo Le Gouen. Donc vous avez compris que si vous voulez vous marrer actuellement, il y a une bonne adresse à Paris. Ah oui. C'est la petite loge où il y a 3 spectacles très intéressants. Le premier, c'est Requiem pour une garce. Le deuxième, c'est On vous avait prévenu en début d'émission hein, qu'il fallait profiter de la promo au début. Dire, hein. Voilà, parce que. La deuxième, il y a comme un X. C'est pas il y a, c'est il y a comme un X. Ah, il y a comme un X. Voilà. Allez, mon général. Et la troisième, c'est MDR et être fier de l'être. Et tout ça se passe à la petite loge. Vous regardez sur le site www.lapetitecloge@.com. Non, il n'y a pas d'arrobas, là c'est l'email. Voilà. C'est un point. Très bien. Et alors, tous ces spectacles, David, j'imagine que vous les jouez, ceux-là et d'autres d'ailleurs, en province, dans les salles de province. En l'occurrence, Requiem pour une garce, on l'a joué il y a 15 jours à Beaucaire et à Villefranche-de-Lauragais. Hein, et puis, on va sans doute aller le rejouer un peu plus tard ailleurs. Il y a comme à X, on va sans doute aller le jouer sur Perpignan, Arles, etc. Ah bah, faudra nous le dire parce à que la nous, fin de l'année. Voilà, on vous donc, écoute à Perpignan. Oui, parce que si on ne dit pas que vous allez jouer à Perpignan à la boîte à rire, c'est ça. Qui nous écoute chaque semaine, on aura un procès. Ah, ils vont c'est nous faire ça. La gueule. Après. Voilà. Et toi, ton le one man, tu l'as commencé il y a combien de temps? Je l'ai commencé au mois d'août. Oui. Donc ça fait 4 mois, mais j'estime toujours qu'il est un petit peu en rodage. Mais j'espère pouvoir le jouer en province au courant du printemps 2012. Ouais. D'accord. Tu nous diras, parce qu'on vous suivra, bien sûr, et puis on annoncera tout ça à tous ceux qui nous écoutent un petit peu partout en province. Alors on nous écoute aussi parce que on a donc l'épreuve du trivial. Comme chaque semaine, j'ai tiré au hasard. C'est des années que tu tires au hasard. Que tu tires au hasard. Okay. Deux cartes dans le boîtier du Trivial de 1985. Oui, la date c'est une très bonne année. La date a son importance, car quelquefois les questions ne sont plus d'actualité. Exactement. Enfin, c'est les réponses qui sont plus d'actualité. Donc il faut retrouver les réponses. Donc une carte par équipe, 6 questions par carte, c'est tout simple. But du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. Si vous savez répondre sans vous consulter entre vous, vous dites « cash », donc pas de consultation, et vous donnez la réponse. Et dans ces cas-là, c'est 2 points. Si la réponse est bonne. Pas de consultation, donc vous économisez 23 euros. Minimum, voilà. Si le médecin est conventionné. C'est vrai que c'est 23 maintenant. Si vous ne savez pas répondre, la main passe à l'équipe adverse et l'équipe adverse peut répondre à votre place et marquer le point. Donc je fais toujours choisir Bob, qui, parce que sinon il conteste. Bob, tu veux la 1 ou la 2 ? Qu'est-ce que tu préfères, toi ? De toute façon, ce sera toujours la mauvaise que tu choisiras. Bon, la 1. Celle-là. Top ! Dans quelle était la Mecque des hippies dans les années 60 ? Oui. Cash. Ah non. Le cash, c'est quand on se consulte pas. Kathmandu. C'est correct. On consulte, on s'est regardé. Eh ben oui, mais. Qui ça parlait, est c'est le chanteur ou qui était le chanteur du groupe Police? Ah, je crois que tu chantais tous les mecs. Non. Ah, ça c'est pour vous les filles. Hein. Pourquoi tu parles à l'équipe adverse? Non, je crois qu'il vous parlait. Le groupe, Maurice, le groupe Police. Oui, je cherche le nom. Le nom du chanteur, c'est. Le groupe, attends. C'est Police, si tu cherches le nom. Oui, non, mais le chanteur du groupe, là. Oh, t'as été le voir en concert. Pense à ton slip. Mais non, c'est pas le même. C'est Aubert? C'est pas lui, Aubert? Non. Mais c'était Jean-Louis Aubert? Non, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Tu racontes des conneries. Moi, je suis nul là-dedans. Alors, je t'ai dit, pense à ton slip. Moi, je préfère pas y penser, surtout si c'est Maurice qui le porte. Oh, Maurice, il est porté par son slip. J'en porte plus. Voilà. Bon, vous savez pas. Vous savez pas? Ah, bah non. Non, Maurice, aucune idée. Paul McCartney, non. Bah, oui, pas lui, bien sûr. Non. Mais non, c'est String. Sting, pardon. Et oui. Un point. Dans quel bras le président Félix Faure a-t-il succombé? Ah, c'est dans les bras de sa pute, là. Oh. Il a dit cash. Comment il dit cash? Il l'a fait cash. Dans les bras d'une pute, il a dit. Mais il a pas dit cash. Elle avait un nom. Ah, merde. Ah, tu veux le nom de la fille? Ah, bah oui. C'est Simone. Alors, soit mais son non. Nom, soit son surnom, parce qu'elle avait un nom et un surnom. Nafissatou Diallo. Déjà, à l'époque, elle faisait chier le monde. L'hôtel n'était pas construit. Mais non, c'était à l'Élysée. À l'Élysée. À l'Élysée. Alors, comment elle s'appelait? Sa pute, sa Joséphine. Fais pas ton GG, Joséphine, sa pute. Non, vous savez pas. Vous avez une idée? Thérèse. Non, bah, je peux pas vous accorder le point parce qu'elle s'appelait Madame Stenel et son surnom c'était Belle Mag. Ah, j'étais pas né. Moi j'ai connu son fils, Pierre. Ah oui, Pierre Belle Mag. Très connu. Quel est l'écrivain américain qui fut invité à la cérémonie d'investiture du président Mitterrand en 1981? Tu peux la refaire. Quel écrivain américain a été donc invité à la cérémonie d'investiture du président Mitterrand en 81? Hemingway, voilà. C'est ça. Hemingway était mort depuis longtemps aussi. Oui. Alors c'était William Styron. Styron. Styron. Yes, tu m'as pas laissé le temps de le dire. Hein. J'avais la réponse. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bob, une question pour toi. Combien de temps a-t-il fallu à Voyager 2 pour parcourir à la distance Terre-Jupiter? Allez Bob, cash. Oui, cash. tu veux en année ou en mois? En année ou en mois? Ou en nanosecondes? France, Terre, Jupiter. Orbite Jupiter. Combien de temps avec Ryanair? 6 ans. 6 ans. 5-6 ans, oui. Ouais. Non. 15? 15 ans? Ouais. Non, c'était 23 mois. 23 mois. Ah. Et alors, la dernière question de votre carte, Bob. Qui est Jack William Nicklaus? Oh bah, j'ai bien connu, il a fait un truc pour traiter les Doriforts et ça n'a pas fonctionné du tout. C'est un champion. Un golfeur. Golfeur, il a dit à côté. Golfeur. Oui, et bien c'est correct. Bravo. Eh oui. Parfait. Donc je propose une deuxième opération sketch avec Maurice, avec une autre de ses blagues fétiches, avec E.T. Voilà. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'Hugo joue le rôle de la mère. Ah bah oui. Et que Maurice joue le rôle d'E.T. Mais ça lui va bien. Mais oui. Et il faudrait quand même que tu s'allume. Que tu m'énerves celui-là. Hein. Oui. Mais que tu la joues. Je le ramène pas. Hein. Que tu le joues bien, Maurice. Hein. Oui, et ben c'était tu bien. Tu commences à dire téléphone maison et oui, tout ça parce que oui, allez. Oui. Allez. Alors c'est E.T. qui arrive. Bonjour maman, comment vas-tu? Je viens dîner chez toi ce soir. Bonjour, mon petit Titi. Ah, c'est Titi maintenant, c'est pas non, mal. Il fait, non, il fait la liaison, il parle français. Ben oui. Mon petit Titi. Eh bien, j'ai très bien dîné, tu m'as fait un très bon repas. Ah, merci. Et qu'est-ce que tu me proposes maintenant? Une mousse au chocolat. Ah ben oui. Il est con, mais il est très con. Ah non, mais il est bête, hein. Mais non. Idiote. Il est... Et non, mais non, c'est maintenant que tu dois lui dire, bah oui. T'es content d'avoir mangé. Oui, et tu voulais, bah, tu voulais lui dire. Tu le laisses pas parler. Je le laisse parler. J'attends. Tu as bien mangé, Iki? Bien sûr, parce qu'ils sont... Bien sûr, maman. Attention. Ah, attention. Ils sont extraterrestres. Mais tu non peux pas mettre le ton. Extraterrestres. Ils sont extraterrestres. Oui. Oh. Ah bah alors. Ah bah alors. Quand tu complimentes quelqu'un, on n'a pas l'impression que tu lis le bottin. Bah oui. Bon, oui. Alors. Une raison. Mais bon, tu recommences. Hugo, lui, il a compris. Bon, Iki, t'as bien mangé? Ah, bonjour, maman, déjà. Oui, bonjour, oui. Est-ce que tu as bien mangé? Oui, bien sûr, mais on aurait dit que c'est ce que j'ai dîné hier soir. On dirait que comme quoi du fait qu'il paraîtrait que c'est ce qu'on a mangé hier soir. Voilà, hey, exactement. Oui. Et t'as pas aimé? Oh si, parce que tes restes... Tes restes sont extra... Tes restes... Ah, c'est pas vrai. Il y a un problème. Ne te rends pas mal. Non, mais Françoise Dolto s'est gourée quelque part. Non, c'est pas possible. C'est parce qu'il répétait, là. Il répétait. Mais il répétait, il répétait. Est-ce qu'on pourrait exiger le carnet de vaccination des personnes qui viennent à la radio? Oh non, mais... Bonjour, maman. Bonjour. Mais... Est-ce que tu as bien mangé? Bien sûr, j'ai bien mangé, mais on aurait dit que c'est ce que j'ai mangé hier soir. Et alors, ça t'a pas plu? Oh si, parce qu'ils sont extraterrestres. Ah, oh là là, oh là, oui, là, d'accord. Je trouve que Hugo joue mieux que Maurice. Ah ben bah oui, mais et pourtant Hugo avait pas eu le scénario avant l'émission. Non, non, c'est vrai. Bon, allez, juste après cette courte pause, c'est votre carte. Oui. Donc attention, là ça se rapproche, hein. 3 à 2 Bob, 3 à 2. Tout n'est pas perdu. Reste avec nous, on revient avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Ouais. Retourne, on va se marrer avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Bon, alors là, ils font pas les malins parce que ils savent que c'est leur carte. C'est votre carte. Arrête de rire, tu perds ton naturel. C'est la même épreuve que tout à l'heure. Donc, 6 questions, il faut essayer de répondre le plus vite possible. Donc, si vous avez la réponse sans vous consulter. Tu peux nous les poser d'un seul coup, comme ça. Comme au burger. Top. Quelle région est appelée la Suisse de l'Inde? Ah oui, c'est la carte de 1985, les frontières n'étaient pas encore fixées. La Suisse, de l'Inde. Là où il y a de l'or, il y a les banques. T'es neutre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme région en Inde? Le Cachemire. Il y a les Cachemires, il y a l'Astrakhan. L'Astrakhan, les bisons. Renard argenté. Les renards argentés, je sais pas trop. Cachemire, c'est ce qui me vient. Allez, le Cachemire. Oui, c'est correct. Alors là, c'est une question. Une question pour Frédéric Koester, qui va donc justifier son salaire. Dans quel film d'espionnage de Mankiewicz, James Mason joue-t-il double jeu? Il en faut. Hein. On va téléphoner à ton taulier, tu vas te faire virer demain. Rappelle-toi de tes fiches, Monsieur Cinéma, que tu avais gagné en allant à Mardi Cinéma. On peut pas vous regarder, Monsieur Koester. Ça va pas me revenir. C'était pas hier, ça, quand même. Hein. Ah ben non, Monsieur, les fiches de Monsieur Cinéma. T'as connu ça, Mardi Cinéma, Maurice, à la télé? Il y a pas un jeu de mots avec Maurice, le jeu hier, boulant. Non, mais tu sais pas, puis c'est non, tout. Non, ça me revient pas. Comment tu dis? Ça ne me revient pas. Bonne réponse. Alors je pose la question. Au gang du Viagra, dans quel film d'espionnage de Mankiewicz, James Mason joue-t-il double jeu? Et simplement pour vous aider, je vous dirais que c'est pas carré. Oh, soirée, putain. C'est rond, c'est pas carré, donc c'est rond quelque chose. T'es vraiment un fumier, Bélo. Ronde de nuit. Non, là, c'est avec Eddie Mitchell et Lavin. L'affaire Cicéron. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont désespérants. Oh là là là. Bah, si tu le savais, t'avais qu'à le dire. Bah, je l'ai su quand il a dit l'indice. De quelle ville l'ensablement du Swin, SWIN, a-t-il été la cause du déclin? L'affaire Cicéron. De quelle ville l'ensablement du Swin, SWIN, a-t-il été la cause du déclin? Je te demande si ta grand-mère faisait du vélo. Alors, cherchez quand même des villes ensablées. Le mont, y a, en Bretagne, y a le des villes portugaises peut-être, non? Le portugais en savait. Le Mont Saint-Michel peut-être. Le déclin. Non. Le déclin, oui. Déclin, qu'est-ce qui est décliné? C'est un truc antique. Le truc qui est décliné. Bah, décliné, moi j'en ai un dans ma rue. Oui. Il est pas mal, prend pas cher, il est bien. Carthage, Rome. Dans le micro, les gars, dans le micro. Palmyre? Vas-y, allez. Palmyre? Non. Alors, je répète la question. Ouais. C'est pas de quelle ville l'ensablement du Swin a-t-il été la cause du déclin? Ah, c'est une ville allemande, donc. Non, c'est belge. C'est belge. C'est l'accent belge, ça? Bah, oui, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Toi, tu m'écoutes pas sur la radio? Alors, nos amis belges, vous envoyez vos mails d'insultes à Philippe Bello. Gand. Knoklezout. Bruges. J'ai un pote qui habite là-bas, moi. Ah bon? Jeff. Bruges. Jeff de Bruges. Quelle romancière américaine. On est surtout très écoutée là-bas. Hein. Quelle romancière américaine. Là, c'est aussi pour Frédéric Coster, qui est très branché romancière américaine. Oui. Ah, oui. Ayant vécu en Chine, là, a écrit Vent d'Est, Vent d'Ouest. Ah oui, ça, c'est connu. Evelyne c'est... Delia. C'est pas Naïs Nin Maïté, oui. Pas Naïs Nin. Ah oui, c'est Maïté. La copine d'Henri Miller. Miller, oui, oui c'est Naïs Nin. Oui, elle, oui, elle, elle, par contre. Elle a pour quand elle a semé. Alors ça, j'en sais rien du tout. Des anguilles. Des anguilles. Une romancière américaine. Eh oui, pas Maïté. Demas, mais une qu'elle est assez vieille, donc oui. Tentons. On va tenter Anaïs Nin. Non. Connais une romancière américaine déjà. Faut déjà en connaître une. Truman Capote. Maurice, une idée? Pas du tout. Ah. Tu connais une romancière. Donc si vous ne savez pas, vous ne trouverez pas. On trouve pas. Donc c'est Pearl Buck. Ah, bien sûr, Noël au 80. Moi je connais Hypocrite. Sa sœur. Pearl Harbor. Quel type de femme? Mais elle était très connue. Hein. Ah bon? Oui. Dans les cafés surtout. Ah, c'était une Starbuck. Ah, je t'en mets une étoile sur Billy Réduc. Ah bah merci, t'es bien gentil. Alors, quel type de femme a donné des rêves érotiques à Freud? Ah, des grosses salopes. Ah, oui. Pardon. Quel type de femme a donné des rêves érotiques à Freud? Sa mère. Donc il a rêvé d'un type de femme. Moi c'est Fred. Si, les grosses. Oui. Comment? Fred, tu me disais? Les grosses. Les femmes girondes. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Hystérique, elle est hystérique. Les Américaines. Ah. Les romancières ou pas? Alors attention. Hein. Parce que c'est un type de femme, ça, les Américaines. Bah oui, écoute. C'est pas moi qui ai fait les questions. Quelle est la dernière question donc de sport et loisirs? Quel est le pays des strudels? Et le pays des strudels. Alors, Maurice, tu connais la chanson des strudels? Non, pas du tout. La la la la la la la la la. Tu sais, ceux-là sont verts. Oui. Alors, ça s'écrit S-T-R-U-D-E-L. Ils sont peut-être strudels, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, les strudels, quand même. Oh. Mais le pays, Apple, c'est un pays, Apple, c'est pas... Ah, c'est le pays des strudels. Mais le pays des strudels, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne? Non. C'est l'Autriche. Et c'est l'Autriche. Et oui. Oh là là. Allez, une petite roulette russe, comme tout à l'heure, hein, vous choisissez. Merde, j'aurais dit. Alors, écoute, c'est à toi de dire stop. T'aurais dû réviser pendant ce temps-là. C'est à toi de dire stop quand tu veux. C'est parti. Je m'en vais. Sex shop, vache, skieur juif, poussin, clocher, perchiste. Perchiste. Ah, top. Ah, c'est mon cher Hugo. Non mais regarde-le quand tu lui parles. Hein. Attends, ras-le-bol, hein, on est à la radio, on s'en fout. Quand alors même. Ces deux perchistes, mon cher Hugo, ces deux perchistes qui sont à la montagne. À la montagne. Oui. Oui. Il y en a qui près d'un tir cul. Il y en a qui pourquoi dit, pas pourquoi pas. Oui. Il y en a qui tout dit tout est possible. Non, ils peuvent sauter où de n'importe veulent, où. Hein. Attends, à la montagne, à la mer. Et il y en a qui dit ça, moi je peux sauter, et l'autre. Mon cher Hugo, oui. L'autre lui dit, moi je signe et je sais pas quoi. C'est un naufrage. Elle est extrêmement drôle. Lui souffle. C'est un bon choix. Je m'en rappelle plus parce que. Non, elle est vraiment savoureuse. Il y en a un qui persiste, il y en a un qui excellent. Persiste et l'autre qui persiste. Alors, tu l'as retrouvé ? Mon cher Hugo, ces deux perchistes qui sont sur une vallée, qui veulent sauter. C'est bien connu. C'est bien connu. Les perchistes sautent des vallées, bien sûr. Mais bien sûr, oui. D'une montagne, d'une vallée. Non, non, mais ce qu'il y a, c'est que quand il la tient, il rajoute des choses. Voilà. Qui fait que c'est ça le problème. Après, voilà. On nous accuse. Et nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Il se plaît tout seul. Oh là là là là. Bon, Maurice, vas-y. Bon, c'est. Oui. Mon cher Hugo. Oui. Oui. Ces deux perchistes qui veulent s'envoler. Voilà. Ils veulent se sauter. J'ai eu peur. Pourquoi ils sont pas dans un gymnase? Il y en a ah oui, qui t'as raison. Dans un gymnase. Oui, comme ça, ils vont se coller au plafond. Et Hugo ne suit plus du tout, Maurice. Hein. Bon, et, Hugo, mets-y un peu du tien, s'il te plaît. Je suis. Je suis tout oui. Mon cher Hugo, c'est oui, deux perchistes qui veulent sauter. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre, est-ce que tu es capable de sauter de cette hauteur? Mm-hmm. Et l'autre lui répond, je persiste et je saute. Mais non! Mais non! Je persiste et je saute. Non! Je persiste et je signe. Allez. Alors, mon cher Hugo, c'est deux mecs qui sont sur n'importe où. Et on s'en fout. Ils veulent sauter et il y en a un qui dit à l'autre. Sautons. T'es capable de sauter de cette hauteur et il y en a un qui dit oui, je signe et je persiste. Voilà. On va dire que c'est bien. Non, on va Maurice, tous les mardis, à la petite loge. Ah bah, il vous fera un carton. En 20 hein. fois la blague, mais en 3 exemplaires, on signe. Hein. Par contre, là, il faut le créneau, il faut prévoir le créneau entier. C'est-à-dire qu'il faut le prendre de 3 blagues. Voilà. Une seule blague pour la soirée, en fait. Bon, juste après la pause, on va voir si on fait mieux que Maurice. Car ça sera la prochaine tournée de blagues. Ah. Restez avec nous, on revient avec David Sauvage et Hugo Le Gouet. Retour dans Vasse Marais avec David Sauvage et Hugo Le Gouen. Ouais. À l'affiche de deux spectacles en commun et un one man pour Hugo, donc au théâtre de la Petite Loge à Paris. Qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris, 2 rue La Bruyère. Les métros, c'est Saint-Georges et Pigalle. Ou Trinité. Ah. Ah. Tu descends où tu veux. Alors, tu peux surtout. David, comment tu détermines le choix de tes spectacles Sur audition. En fait, la mise en scène de Requiem pour une garce, oui. est faite par François Rimbaud, qu'on avait reçu dans cette émission pour Veuve la mariée. Absolument. Qui était une pièce écrite par qui déjà C'est quelqu'un que je connais bien. Ah oui, déjà. Oui. Ah oui. Ah donc, tu es très prolifique en termes de. Voilà. Tu écris. Oh, j'écris. Non, j'écris peu, mais j'écris vite. Donc c'est l'avantage. J'ai cru qu'il allait dire j'écris peu mais j'écris bien. Ça va les chevilles. Bon alors là, puisque c'est l'heure, ça sera pas forcément bien écrit parce que c'est la deuxième tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Nicolas demande à Charlotte « Qu'est-ce que tu détestes le plus à l'école ?» Charlotte lui répond « Les maths, parce que ça me pose un problème. Ah. » Oh, elle est mignonne. Ah, oui. Elle est mignonne. Elle est subtile hein, pour une blague bah, de oui. Maurice. Julien, une petite devinette. Elle sera coupée. Oui, bah, enfin, bon, bref, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui a deux têtes, cinq jambes et deux bras? Le cow-boy de Tchernobyl. Non. Un pitbull dans un jardin d'enfants. Exactement. On va rester dans les devinettes. Qu'est-ce qui est marron et vert et qui sent mauvais au fond de la forêt? Un scout qui est mort. Un scout mort. Oh là là là. Alors, par un bel après-midi de printemps, il y a un petit garçon qui sort pour la première fois son vélo. Alors, il rencontre un policier qui est à cheval. Il le regarde et dit bah, « Dis donc, sa vie. Oui. Dis donc, t'as un beau vélo, hein ? Oui. Et c'est le Père Noël qui te l'a offert ? Oui, mais c'est l'agent, c'est ça. Bon, eh ben tiens, tu donneras à ton papa une contravention de 25 euros à donner au Père Noël, car il a oublié de t'installer un voyant rouge sur l'arrière de ton vélo. Hein ? Non. Le gamin, il prend le PV. Ouais. Ton cheval ? Oui. Il est beau ? C'est aussi un cadeau du Père Noël ? Oh, oui, pourquoi ? Eh ben, tu diras au Père Noël que pour un cheval, le trou du cul, ça se met à l'arrière et pas dessus. Ça se passe dans un petit village. Il y a papy qui n'arrive plus à bander. Et il voudrait bien aller acheter du Viagra. Pourquoi tu regardes Bob ? Ça se passe à Fouesnard. Et donc papy, il n'arrive plus à bander. Il voudrait bien aller acheter du Viagra. Le problème, c'est que c'est un petit village. Il y a une pharmacie. Tout le monde le connaît. Donc il n'ose pas. Donc il envoie son petit-fils pour acheter le Viagra à sa place. Et puis il dit « Vas-y, mon petit gars, je te donnerai 20 euros pour ta peine. » Alors petit-fils, il va acheter le Viagra. Et puis il donne à son grand-père. Et le grand-père dit « Je te mettrai 20 euros demain sur ta table de nuit. » « Merci, papy. » Bon, tout est là. Le lendemain matin, le petit, il a 40 euros sur la table de chevet. Ah. Il va voir son grand-père, il dit « Oh, bah, papy, je suis gêné quand même. Parce que on avait dit 20 euros, alors bon, là, tu y as 40 euros. »« Ah, non, mais moi, je t'ai donné 20 euros, les autres 20 euros, c'est ta grand-mère. » Très mignonne. Bon, alors, David. C'est deux hommes d'affaires qui discutent. Il y en a un qui voit que l'autre se porte pas très bien. Est-ce que ça va? Ça t'a l'air un petit peu plus bizarre. Non, je sais pas, j'ai la migraine, j'ai un super mal de tête. Je crois que je vais rentrer à la maison parce que ça va pas. Écoute, moi, j'ai une super technique quand j'ai mal à la tête. Moi, je fais comme toi, je rentre à la maison et je fais l'amour à ma femme. Alors, l'autre repart chez lui tranquillement et puis une semaine après, il se revoit. Et lui dit, alors ça va mieux la migraine? T'as plus mal à la tête maintenant? Oh, bah, écoute, non, j'ai suivi tes conseils. Alors là, super. Et puis alors, ton appartement, génial! Hugo. Maman, maintenant que j'ai 15 ans, je peux mettre un soutien-gorge? Non, David, tu ne peux toujours pas. Maurice, il rit pas, ça lui rappelle les souvenirs. Bon. Des mauvais souvenirs. Hein. Maurice. Maintenant, il n'en met plus. Hein. Ah bah non. T'es pas cap. Tu connais ça, t'es pas cap? Oui. Eh ben oui, c'est facile. Je vous demande. C'était le jeu préféré de Zorro. Eh oui. Oh, ou de Superman. Oui. Alors, simplement, je vais vous demander, c'est un jeu d'enchères. C'est l'équipe qui remporte l'enchère et qui surtout est capable de réaliser l'enchère remportée. Je vais vous demander combien de comédiens jouant dans Bienvenue chez les Ch'tis, êtes-vous capable de me citer ? Qui commence ? Eh bien, c'est vous, puisque vous êtes mené. Un. Est-ce que vous faites mieux que un ? Oui, deux. Oui. Trois. Ah ! Oh là ! Ça monte fort, là. Quatre comédiens. Voyelle. Ah non, c'est pas ça. Pas cinq. Mieux. Cinq pour Maurice. Cinq comédiens de Bienvenue chez les Ch'tis. Cité par l'équipe de Maurice. Oui, enfin. Bah, oui, on leur laisse. Est-ce que vous avez plus que 5? S'ils n'arrivent pas à faire 5, oui, on gagne le point. Oui, oui, laissons. Vous n'avez pas plus de 5 de votre côté, non? Alors. Ah ben si, nous on pourrait en avoir plus que 5, mais on va les laisser faire 5. Alors, l'engagement a été pris par l'équipe du gang du Viagra. Non, pardon. L'engagement a été pris par Maurice. De nous citer 5 comédiens présents dans Bienvenue chez les Ch'tis. On peut se concerter. Alors, voulez. Alors, on vous écoute. Allez-y, les trois premiers. Danny Boone, 1. Danny Boone. Cadmerade. 2. Cadmerade, 2. Annie Cordy, oui. Non, pas Annie Cordy. Comment la danseuse là, oui. Lynn Renault. Ah, 3. Galabru. Galabru 4. Il m'en manque plus qu'un. Son collègue à Nice là ou à Marseille là. Non, vous voyez pas. Si. Danny Boone, on l'a dit. Non, on connaît quel. Il y a pas Godrèche avec. Ah oui. Celui qui joue le flic aussi sur l'autoroute. Ça va donner la réponse. Ah oui. Celui qui a la mèche là. Le blond. Oui, Tintin. Non. Dans le dessin animé. Titeuf. Oui. Non, il est pas dans le bienvenu chez les ch'tis de c'est nouveau. Pas, il est pas, non, c'est pas Titeuf. Non, c'est pas Titeuf. Alors, non. C'est un autre, c'est un humoriste. Robert Brackettis. Non, ouais. Ah non, il est pas blonde. Alors, attention, 10 secondes. 10 secondes pour la dernière. On comprend pas, René, quand tu nous aides. Parle plus fort, René. Ah, on a. Donnez-lui un micro. Alors. Et non, ça revient pas. Et là, vous échouez. Et il nous manquait Patrick Bosso, par exemple. Ah bah voilà, c'est Bosso. Il y avait Guy Lecluiz aussi. Je connais pas. Oui. Stéphane Fraisse. Oui. Zoé Félix. Jérôme Commandeur. Zoé Félix, Jérôme Commandeur. Qui c'était la femme? Zoé Félix. Et bien donc, le point va à l'équipe du marché aux putes. Ouais. Merci Maurice. Mais ils sont mauvais joueurs, ils auraient pu en... Comment? En prendre 6. Non, mais c'est beaucoup plus drôle. Qu'on trouve pas nos 5. Ben voilà. Tu seras retenu sur ton salaire, Maurice, que tu n'as pas. Bon, allez. C'est pas qu'on est mauvais joueur, c'est qu'on est stratège. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu ni pour les uns ni pour les autres. Jamais. Puisque nous avons donc là maintenant quelque chose qu'attend la France entière et la Belgique, c'est le jeu de la photo mystère. Ah! Car chaque semaine. Car oui. Nous confions une photo mystère à Maurice, qui a donc, la mission de vous faire découvrir ce qui est sur la photo, et ça c'est juste après. Quel cette... bordel! Il faut dire qu'il le fait de mieux en mieux. Ah, de mieux en mieux. Faut dire que à propos de mission, tu sais que Maurice a tourné dans le nouveau Mission Impossible. Ah bon? Sauf que pour la oui. Mais pour la France, ils ont changé le titre. Ah. C'est-à-dire que le titre à l'international, c'est le Protocole Fantôme. Oui. Et pour Maurice, c'est le Proctologue Fantôme. Oh non. Et surtout pour lui, c'est à son âge, c'est Mixion Impossible. Hein. Non. Bon, allez. Puis déjà parti. Ah non. Tu vas dégainer ta photo mystère juste après cette courte pause. Retourne, on va se marrer. Avec David Sauvage et Hugo Le Guen, ouais. Qui viennent nous voir à l'occasion, à trois occasions. Oui, à trois occasions. Ah, alors la première. Pour venir voir Hugo, Pascal et David dans leurs pièces respectives. Faut venir voir Ryuyem pour une garce. Ryuyem. Il manque une lettre, je pense. Mais... Ryuyem. Et c'est mais ça, ce qui m'étonne, c'est qu'il manque le cul. Entre... Ryuyem pour une garce. Cul, Maurice. C'est rare. Faut venir voir Ryuyem pour une garce qui se joue à la petite loge de rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris. Métro Saint-Georges et Pigalle. Il y a comme un X. À la petite loge aussi, à partir de février 2012. Oui. Et Hugo Le Guyen. Faut venir voir Hugo dans MDR et Fier de l'être. Oui. Tous les lundis à 21h30 à la petite loge. Et toutes les dates sont sur le site de la petite loge, lapetiteloge.fr. Et vous avez toutes les dates de ces représentations. Ah, là, la promo était à peu près bien faite. Tu plaisantes. On peut pas rêver. Non, on peut pas rêver mieux. C'est-à-dire que comme on a le site, la promo sera bien faite si oui, on consulte le site, c'est tout. Ouais. Ah, si vous avez et du vous monde avez dans qu'à aller sur le site. Vous oh vous oui, allez hop. Si vous avez du monde dans la salle, ça sera pas allez, ça, on enchaîne. Alors, Guillaume, on enchaîne. Bon, Maurice. Au lieu de dire du mal de tes collègues. On a confié à Maurice une photo mystère. Oui, Pierre Bellemare. Il n'a absolument pas le droit de prononcer le nom de cette photo mystère, le mot de cette photo mystère. Hein. Et il a également un mot interdit qui vous ferait trouver trop rapidement qu'il n'a aussi pas le droit de prononcer. Donc il donne des informations par coup de 10 secondes, d'informations très importantes sur sa photo mystère. D'abord à son équipe, puis à vous, etc. Et ainsi de suite. Et c'est la première équipe qui trouve, qui marque le point. Allez, stop. C'est alimentaire. On peut le trouver chez l'animal. Un œuf. Comment? Un œuf. Attends les 10 secondes. Et voilà. À cause de toi, on a perdu 5 secondes. Il a dit, on peut le trouver chez l'animal, ça veut dire que c'est un animal. Voilà. Non. Ah si, d'accord. Alors, un steak, peut. Un steak, par exemple. Voilà, ah, par exemple. Alors, vous proposez... C'est alimentaire. Mon cher Watson. Vous oui. proposez à Maurice, donc. Oui, un steak, ça me paraît bien. Un steak. Non. Donc maintenant, ça va être pour vous. Ça va être pour vous. Attention, Maurice, c'est quand tu veux. Stop. Ça a une couleur un peu vieux vin, tout. Tout. On le trouve chez des tripiers. Ah. Oh. Ça pourrait être une tranche de foie. Ouais, ça pourrait être une tranche de foie aussi, de ouais. Maurice. Non, bah, il, ah non, il est plus vieux vin. Il est plus vieux vin. L'huile de foie de Maurice. Non, non, mais Maurice n'a plus de foie. Moi, une tranche de foie, je dirais peut-être. Hein, ah, ouais. Si vous en pensez. Une tranche de foie. Non. Ah. Oh. Alors là, là, ça va être primordial. Bob, il va falloir. Non, non. Là, il faut pas déconner, là, Bob. Non. Là, il faut bien regarder Maurice. Maurice, la photo. Couleur vieux vin. On t'écoute, Maurice. T'as entendu ce que j'ai dit de l'autre côté? Bah oui, hein, c'est violet, oui. Alors, non, autre chose. Vin. Alors, on se trouve chez Tripier. Ah oui, on trouve chez Tripier. Allez. Alors, stop. On le trouve chez le porc, le veau. C'est un organe. Oui. Ah oui. Le rognon. Des rognons. Oui. Oh. Alors là. Et le mot interdit. Alors, là, là, il est bien emmerdé, Maurice. Ah non, moi, j'ai rien à dire pour le mot interdit. Le on doit trouver le mot interdit. Oui. Le mot interdit, c'est des abats. Non. Non. Le mot interdit. Le mot interdit, que ça serait... il est bien emmerdé, là. Non, c'est liquide. Oui, non, sauf que... La bine. Urine. Sauf que le mot interdit, tu l'as dit. Hein. Non. Ah. Tripier. Ah oui. Ah bah voilà. Tripier. Ah, c'était tripe. Non, non. Tripe. Non. Non. Non. Couleur de lit de vieux vin. Vieux vin. Il a dit vin alors que c'était... Alors donc, théoriquement, mon ils cher pas le Philippe, point, ils n'ont pas le point. Personne n'a le point. Ah non, non, pour le, non, pour le mot interdit, personne n'a le point parce qu'il l'a dit. Ah non, mais... Non, mais non, personne non, non, n'a non. le point puisqu'il a dit le mot interdit. Oui. Interdit, ça veut bien dire que ça, il doit pas être dit le mot. Vin. Non, il a dit lit de vin. Est-ce que tu veux qu'on saute par-dessus la table? Lit de vin. J'ai Lydie, j'ai dit... J'ai Lydie. Lydie, elle va bien. Moi, je l'ai vu dimanche, elle va bien, Lydie. Je l'ai dit. Donc le point est marqué, oui, Bob. Oui, oui, oui. Là, c'est un scandale. C'est marqué. C'est honteux. Ce qui me permet, puisque j'ai juste le temps, d'essayer quand même de vous refaire un deuxième main passe, puisque j'ai le temps. Alors avec là cette fois-ci, j'essaie de vous faire trouver une ville. Une et ville. Je commence par vous. Et là, il faut aller très vite. Une ville très connue. Oui. C'est commence par qui? Quand tu dis commence par vous. C'est qui vous? C'est quelle vous, équipe? Vous, l'équipe des marchés aux putes. Voilà. Ah. Attention, top. Selon la légende grecque, le héros Jason et ses argonautes, qui auraient trouvé la célèbre Troison d'or, se seraient alors dirigés au nord en remontant le fleuve Danube. J'ai même pas compris ce qu'on doit trouver. Une ville. Il y a aucun indice. Bah si. Oh, quand même, attends, t'as pas écouté. C'est sur le Danube. Voilà. Au hasard. Vienne. La main passe. Top. Ce serait alors dirigé au nord en remontant le fleuve Danube plutôt que de se retourner vers la mer Égée. En remontant le Danube, il se serait alors dirigé vers son affluent, la Save, puis jusqu'à la source de la rivière qui me traverse. Une réponse. On sait même pas où c'est, là, ça. La main. Alors, c'est dans l'arbre, c'est ce qui donne la chlorophylle. Oui. Au hasard. Non. La main. Non. Repasse. En 1918, ma région rejoint le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En 1929, je deviens la capitale de la province yougoslave de la Banovine de la Drave. En quelle année, tu dis? 1929. Mais la Yougoslavie, ça existait en 1929? Ah bah oui, il y a eu Sarajevo. Non, la main repasse. J'ai une superficie de 275 km². Ma position centrale entre l'Autriche, la Hongrie, la région vénitienne en Italie et la Croatie a fortement influencé mon histoire. Ljubljana? Comment? Ljubljana, là. Oui, c'est pas Ljubljana. Non, ça, c'est la pute qu'on s'est fait hier. C'est Ljubljana, oui. En Slovénie. Eh bien, tu confonds. C'est une bonne réponse. Jamais entendu parler. De Ljubljana. Slovénie, te donnerait son numéro. Jamais entendu. Bon, et par contre, t'as pas entendu parler, mais tu vas quand même pouvoir nous faire ton petit quiz ou non, pas? Non, je suis vexé parce est-ce que. Est-ce qu'on marque 5 points là-dessus? Là, non, vous avez marqué un point. Ce qui, je vais faire les totos dans quelques instants, je pourrai pas voir où on en est. T'as une blague, mais hein. Avant ça, je vais demander une courte pause c'est pour pouvoir préparer les papiers et les crayons c'est pour honteux. Le petit quiz de Frédéric. C'est honteux. Restez avec nous. On revient avec David Sauvage et Hugo Le Guen. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Hugo Le Guen. Et David Sauvage, qui joue ensemble et séparément, donc c'est pour ça qu'on a fait d'une pierre deux coups, et qui ne craignent pas le risque. Donc du coup, ils ont accepté de rester jusqu'à la fin de cette émission pour voir le moment fatidique où Frédéric Koster nous le sort. Maintenant, là ? Oui, bah oui. Ah bah je veux... Allez. Il va attraper... Ah non, le quiz ! Ah bah évidemment. Ah bah pardon, non, je crois que je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est le petit quiz. Alors, David, tu peux me rappeler le titre de ta pièce ? Requiem pour une garce. Eh bien, nous allons donc essayer de trouver 8 interprètes de chansons qui prononcent le mot garce. Ah ouais. Alors, il y a 8 extraits. Il y en a un, c'est le titre du spectacle dans lequel la chanson est jouée, que je vous demande parce que l'interprète, on la connaît pas. Donc, c'est une comédie musicale qu'il faut retrouver. Et il y a un extrait, vous allez voir que c'est très dommage que GG soit pas là parce que on aurait pu croire que c'est lui qui l'avait enregistré. Mais Bob, le premier extrait, le plus important, que les auditeurs sachent. Ah, on me souffle le jingle. C'est bien Bob. Un humide camo où ça balance à mort. Le jazz coule à flot, la garce. Où demain on verra. La garce, la garce. Mais la vie souvient aussi qu'il la traite. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec, et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger, et une coureuse. C'est une pute. Je veux être une garce. On doit pouvoir y arriver. Je veux être une garce. Briser ton cœur. À leur coller. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà, la renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas la garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. En attendant, tu m'exaspères, petite garce ou tes grands airs. Na, na, na, na, na. T'es bonne à vivre avec les sœurs. Une rose à la boutonnière, le soir il joue au millionnaire. Pour les beaux yeux de la petite garce du café d'en face. Alors pour répondre aux yeux affolés de Maurice, aucun interprète n'est deux fois dans ce quiz. Ils chantent pareil presque. Mmh. Ah bah oui mais... Alors, les invités, Hugo, t'en as trouvé combien ? Un. Oui, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes générations là-dedans. Tu rigoles ou quoi ? Ah bon, non, j'ai rien dit. Il y en a au moins deux. David ? Je dirais 6 ou 7. Ah, hé ! Combien ? 6 ou 7. Ah, c'est bien ! Enfin, David croit en avoir trouvé 6 ou 7. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, on va faire pour. On va vérifier, hein. Priorité aux invités, comme d'habitude. Bien sûr. On va faire comme Maurice. Qu'est-ce qu'il fait Maurice ? Ben, il se décompose. Alors, comment ça marche ? Comment on sait qui. Il n'y a pas de point, là. Non, mais. Là, c'est vous qui. C'est vous qui dites. C'est les invités qui. Aznavour. Bravo, je l'ai trouvé. Je dis Hallyday. Ouais, moi aussi, mais c'est pas... Johnny Hallyday. Ah, c'est lui ? Dans les années 80. On entend bien les années 80, là. Hein. Jeanne Masse. Bravo, David. Oh là là. Michael Youn. Ouais, Ouais, exact. Le groupe, c'est... Oh, les Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Et là, c'est GG. Une pute. Tu l'avais, Philippe ? Oui, oui, mais je croyais que c'était, mais je croyais que c'était la comédie musicale, mais j'ai reconnu qui c'est. C'est qui ? Eddie. Morane. Non. Ah non, non. Je sais pas, moi. C'est la 5, ça. C'est Marie-Paul Belle. Ah, ah oui. C'est pas vrai. Barbara. Barbara, oui. Ça, c'est... Alors, ça, c'est la comédie musicale. Philippe, tu réponds rien. Ça c'est la comédie musicale ? Oui. Ah, d'accord. C'est enfin, c'est un opéra rock plutôt. Ah, bah donc Mozart. Ah, Mozart. Ouais. Mozart. Ouais, j'ai failli aller. Alors, voir. Ça, alors ça. Personne n'a là. Colette Renard. Bravo, Maurice. Oh là là. Mais du coup, je pensais que c'était ça la comédie musicale et je pensais que c'était Guillaume Lavis. Donc, avec Colette Renard, mais voilà. Incroyable. C'est son époque. Alors là, c'est incroyable. Ouais, bravo. Ah, bravo, ouais, bravo aux invités quand même, parce que à eux deux, ils en ont trouvé quand même un paquet. Hein. Ah, ouais. Vraiment, ces aspolitions sont méritées. Ouais. Bah, dis donc. Hey. Pardon. Hey. Oui. Et mes acclamations. Ah, je les oublie. En plus, j'ai oublié les acclamations de Don Salus. Ouais. Ah. Ah. Viva Don Salus. Ouh. Donc, oui. La vieille là-bas, elle m'acclamait pas. Ah bon, j'avais eu l'impression pourtant. Alors, on arrive en fin. Oh putain. Il m'a tué l'oreille, cet imbécile. Donc, je suis contraint et forcé de faire les totos. Ah. Alors, c'est Toto qui rend les blagues. L'équipe des marchés aux putes. Oui. Vous avez tout au long de la soirée. Les marchés aux putes. 5 points. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 5 points. C'est quand même extraordinaire. Et nous, on a 5 points aussi. Et l'équipe des gangs du Viagra. 3, 4. Maurice a raison. 5 points! C'est pas possible! On est obligé de vous départager. Il faut une photo finish. Mais on a un jeu pour ça? Oui, alors pour vous départager, on a le jeu de la mort subie. Et là, c'est très simple, c'est une épreuve de ni oui ni non. On vous propose de choisir un membre de l'équipe adverse au hasard. Au hasard, bien sûr. Mais allez, Maurice, allez. C'est toujours pour au hasard. Pour une partie de ni oui ni non. On va dire Maurice, hein? Ah, ouais, Maurice, ils sont hypocrites. Donc, une minute, Maurice. Pas de oui, pas de non. Posez-lui les questions qu'il faut. Et Maurice regarde les invités qui t'interrogent quand même. Hein. C'est parti, top. Dis-moi, Maurice, tu peux me dire à quel jeu on joue ? Peut-être. Ben, j'aimerais avoir le titre, le nom du jeu auquel on joue. On va se marrer. Non, le jeu. Mais c'était vrai cheveux ? Peut-être. T'es sûr ? Sûrement. Quelle heure il est ? Et quel... Non mais il faut poser des questions quand même sincères à Maurice. Oui. Maurice, est-ce que tu sais quel jour joue Hugo ici présent à la petite loge ? Le lundi. Est-ce que tu viendras me voir jouer ? Sûrement. Non, non, c'est pas le lundi, c'est pas le lundi. C'est pas le lundi. C'est le mardi. Non, c'est le mardi. Bah, regarde ton papier, Maurice, c'est le mardi. Maurice, vous êtes le lundi. Toute la soirée, tu nous as dit. Toute la tu nous as dit le mardi. Non, il a dit le. Non, il a dit il lundi. A dit mardi. C'est à 21h30 le à lundi. À la petite loge. Voilà. C'est quoi le numéro des ostriculteurs ? Le 118 de 118. T'es sûr de ça ? Le 18. T'as dit 8 ? Peut-être. Ah si, tu l'as dit. Ça, je t'ai entendu. Tu l'as dit. Sûrement pas. C'est les tricheurs. Bravo. Oh là là. Ça fait 3 semaines qu'il gagne. On va être obligé de changer là, de jeu. Moi je pense que Maurice la nuit s'entraîne au ni oui ni non. Non, je m'entraîne à autre chose la nuit. Perdu. On était plus dans le jeu. Eh bien, malheureusement, vous avez paumé les mecs. Voilà, là c'est malheureux. Il faut changer de jeu de mort subite. Mais ça veut dire quand même que du coup on a gagné. Enfin, on a. Ils ont gagné et donc. Ah bah voilà. Enfin, tu te révèles. Tu es dans leur équipe. Ils montent des personnages. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a gagné, donc on va être obligé de venir voir les spectacles à la petite loge. Ah, il n'y a pas le choix. Ah là, là, à Maurice. Oui, là, à la petite loge, c'est. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as tout rangé ou quoi ? Il a pris la rallonge. Alors, puis, premier spectacle parti. Auquel nous allons devoir aller, Maurice. Alors, c'est dans le micro. Requiem pour une garce. Oui. Il y a comme X. Oui. Et MDR, fier de l'être. Oui. Ça, et c'est le spectacle d'Hugo. Ça, c'est Hugo. Et ça, ça voilà. Pourrait être le prochain jeu. Et, alors Hugo, c'est tous les lundis à 21h30. Pour Requiem pour une garce. Requiem, bien sûr. Requiem pour une garce, C'est en ce moment, je crois. C'est ça, pour l'instant, le dimanche soir à 20h. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce que il y a comme un X. Il y a bientôt, c'est pas ça sera suite, en février 2012. Absolument. Bah, voilà. Tu reviendras voilà. nous en parler. Et tout ça à la petite loge. Oui. Qui est aux deux rues La Bruyère, dans le 9e arrondissement, métro Saint-Georges ou Pigalle. Bon, eh bien, on va remercier David Sauvage. Oui, bravo. Et Hugo Le Guen. Oui. De nous avoir fait rire ce soir. Et donc, on leur donne rendez-vous à la petite loge à Paris. Merci David, à la prochaine fois. À la prochaine. Hugo aussi, la prochaine fois. Ouais, très bien. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez réentendre l'émission, c'est sur iTunes, chaque mercredi, le podcast. Ah, parce qu'il y a des gens qui se réinfligent ça. Oui. Les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Les photos de l'émission et les news de nos invités, c'est sur la page Facebook d'On va se marrer. On vous a tout dit. Merci de votre patience. À la semaine prochaine. Bravo. Oh, ta gueule, Maurice.